Donc le Nushra était parmi les actes de la Jahiliya, connus auprès des Sahaba. Donc ils ont interrogé, et comme les Sahaba ne voulaient plus faire d'actes de la Jahiliya, bien évidemment, ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Ce qui fait que, regardez, ça nous enseigne que beaucoup de choses que l'on faisait auparavant, avant l'islam, ou avant la Tawba, les choses qui nous étaient accoutumières, que l'on aimait, il est bon de s'interroger à leur sujet, est-ce qu'elles sont permises ou pas en islam. Ne pas se dire, j'ai toujours fait ça, donc tranquille. Là, enseigne-toi. Bien que la base dans les choses, c'est la permission, mais il y a des choses qui s'opposent à l'islam, qu'on faisait auparavant, beaucoup, et que les gens continuent à faire, et ne se posent pas la question. Quel en est le jugement de faire telle chose, de s'y prendre telle chose, à propos des ariades que les gens y font, les fêtes que les gens y font, d'accord, à propos des paroles qu'ils emploient, des termes qu'ils emploient, la façon de jurer, la façon de s'habiller, d'accord, certains lieux fréquentés, car on avait dit dans le hadith auparavant, إنما أخبر الرجل عن نظره qui voulait égorger un ibil à Bouana. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interrogé à propos de ce lieu. Est-ce qu'en ce lieu, il y avait des ayats, des mouchidikin? Est-ce qu'on égorgeait pour autre que Allah? Donc, faut s'interroger. D'accord? Faut interroger. Même des choses qu'on portait, des vêtements qu'on portait auparavant, des marques qu'on portait auparavant. Mais celle-là portait des marques qui portent le nom des koufars sur nous. Tu vois? Beaucoup de marques qu'on portait auparavant. On faisait pas attention, c'est le nom d'une personne. Ou alors ça peut être une marque qui a un sens facide. Il faut se renseigner. Mais ça l'aide, comme on l'a pris de Nike, on a pris l'écologie de Nike. Que le concepteur lui-même l'a reconnu, qu'il a pris l'aile de la déesse de... La déesse, selon les... chez les Grecs, de la victoire, de la vitesse, j'ai oublié. Hein? Donc, les choses, il faut revenir à l'origine. Avant de se dire, il n'y a pas de problème. Ou des choses que l'on porte dans des langues étrangères, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu des frères yéménites porter des vêtements, écrits en anglais, ou écrits en français, avec des choses, ils ne savaient pas, tu vois. Il y en a, ils ont fait du cannabis sur le front. Il dit, tu sais quoi ça? Il dit, non, tu lui expliques. Il y en a, une fois, il avait un t-shirt, maillot de foot, il écrit Satan dessus. Il dit, c'est qui Satan? Il dit, non, lui, c'est Iblis. Il y en a, il avait une veste écrit machiavélique dessus. Il dit, tu sais ce que ça veut dire machiavélique? Il me dit, non, je l'explique. T'en as une fois, c'était un... Alors lui m'a choqué. Un frère de Djibouti. Ou Djibouti. Il avait un t-shirt avec écrit « Femme libérée, émancipée, kaza et kaza et kaza ». Putain, des mecs, je mangeais. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, ça m'a... Je vais aller voir, je vais lui dire, mes skins. Il me dit, c'est ce qui est écrit sur le t-shirt? Il me dit, oui. Je pensais qu'il me dire non. Il me dit oui. Tu parles ça? Il me dit c'est juste pour cuisiner quand je fais kazaka parce que t'es de Tibaha ou je sais pas ce qu'il m'a dit comme réponse. Je dis ah, mais juste tu parles ça. T'appelles à la libération de la femme, ça c'est le truc des féministes ça. Tu vois? Après il m'a rien dit. Mais il savait ce qu'il c'est djiboutien, il parle français. Al-Muhim, se renseigner, faut être minutieux en religion. Faut être méticuleux. Les sahabas ils demandaient. D'accord? Al-Nushra. C'est permis ou pas de le faire. Car c'était le jour de la Jahiliya, et ils savent que l'islam est venu combattre, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Sufyan a été rangé par Héracle, qui était le César de l'époque, il a dit, « Maza yakoulukum, qala ya'buruna bis-salah, awalan yakoul, ubudullaha, wa la tushriku bi shay'a, wa truku ma yakoulu abaukum. » Il a dit à Héracle, il nous dit, « Adorez Allah, et ne lui associez rien. » Et délaissez ce que disaient vos pères. Ça veut dire vos coutumes ancestrales, délaissez-les. Car fil ghalib ya mabni ala shirk. C'est des choses liées au shirk. Donc délaissez tout ça. Les choses de ce qu'il y a auparavant, délaissez-les. Qui étaient liées au shirk. Quand il y a des choses qu'on faisait qui étaient permises. Même des choses qu'on faisait qui étaient bien. Comme c'était le cas de Hizam, Hakim ibn Hizam, qui a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit fil jahiliya kuntu wa tasaddaq. واسل الرحم واعتق ما هذا من هذه الاعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. Il lui a dit avant l'islam je faisais ça d'accord, j'entretenais les liens de parenté et je n'étais pas des esclaves. Qu'en est-il maintenant? Il a dit, tu t'es soumis sur le règne que tu avais auparavant. C'est-à-dire, ce que tu avais auparavant, c'est compté pour toi toujours. Il a interrogé sur le bien également. C'est ce qu'on faisait auparavant, je faisais ça auparavant. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Naam. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rajulan lahu ajran, Rajulun amana bi, Nabihi wa amana bi. Au Rajul min bani min al-kitab, amana bi Nabihi wa amana bi. Un homme aura deux récompenses. Celui qui est parmi les gens du livre, qui aura cru en son prophète, et qui aura cru en moi. Donc, un Nasrani qui était sincère, qui a cru en Isa alayhi wa sallam, le jour en islam, la récompense de son iman d'avant, même si ce n'est pas un iman qui était valable, ça lui rend content en islam. Mais ça, les choses que tu faisais de bien auparavant, qui concordent avec l'islam, sont comptées pour toi également. Et donc, et le contraire également, des choses que tu fais comme mal, elles sont effacées, mais est-ce que tu peux continuer à les faire? Si tu ne sais pas, tu t'interroges. Je faisais cela, tu vas continuer? Là, tu vas continuer? Non, tu peux. Telle chose, non, je ne peux pas. Pourquoi? Dalil, kaza wa kaza wa kaza. Quand tu rentres en islam, tu t'épanouis, tu changes. C'est une nouvelle vie. Avant, tu étais mort. Dans le couvre, tu étais mort. Vous voyez? Donc celui qui entre en islam, comme quand le Ta'ala, afaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. C'est celui qui était mort, qui marche au milieu des gens, à qui nous avons donné une lumière. Et nous l'avons guidé. Quand on parle d'islam. Donc à ce moment-là, ça prend en compte réellement tes bonnes actions. Donc tu te demandes. D'accord? Tu restes pas dans le brouillard comme ça. Tu t'interroges, tu dois apprendre.